C'est l'été, je fais du jet. Y'a du joule, de la vodka et du jack. J'suis posé dans un coin paradisiaque. J'fume de la beurre aphrodisiaque. J'préfère me démerder moi-même qu'appeler le 17. J'préfère rester un chèque, aller voler du sac. Tu t'es manqué, voilà pourquoi j'te le dis. C'est qu'on sait que tu t'es lâché et tu nous dis, c'est pas mon cas, dis ça. J'me laisse aller, j'ai mis la poule sur les biceps. J'suis parti de la chambre, maintenant ça m'écoute à Ibiza. Y'a que des fils de c'est toi qui le disais. Maintenant de te voir avec eux, ça me fait bizarre. J'me lève téléguidé à croire que j'suis robotisé. J'joue pas de la flûte à Marseille, ça fait cracher la guitare. T'as vu le ciné, je la rends cale 2. Sur le terrain en 4-4-2. Fais gaffe les donneurs, ouais ça rend en quart 2. Y'a tout ce qu'il faut en 4-2. T'as vu le ciné, je la rends en cale 2. Sur le terrain en 4-4-2. Fais gaffe les donneurs, ouais ça rend en quart 2. Y'a tout ce qu'il faut en 4-2. Et le buzz, ça rend fou pire que les sous. J'en ai vu prendre des frappes, des gens que je connaissais. Crois-moi, c'est dur de réussir, de rester dans le zoo. Si tu veux t'en sortir, ne pleure pas, espèce de con essai. J'suis pas dans la poésie, sans musique, j'suis dépaysé. T'inquiète, moi j'oublie pas, ça c'est de la part du paysan. Le tête, je m'arrache. Ça joue avec mes couilles, avec ma rage. La team Joule fait des scores au démarrage. M'en sens dans les Ferrari, ça tu prends dans les mariages. Et qu'est-ce que je m'en tape de ce que les gens vont dire? Fais pas passer la RS si tu sais pas conduire. Je vois le poteau, il a pas un, en ce moment les temps sont durs. Il s'est fait lever 3 points, il avait pas de ceinture. Je suis dans les bordels, ce que je fume c'est mortel. Tu crois que c'est que je vais revenir, je suis comme les mortels. J'ai vu le ciné, je la rends en cale 2. Sur le terrain en 4-4-2. Fais gaffe les donneurs, ouais ça rend en quart 2. Y'a tout ce qu'il faut en 4-2. J'ai vu le ciné, je la rends en cale 2. Sur le terrain en 4-4-2. Fais gaffe les donneurs, ouais ça rend en quart 2. Qu'il faut en cas de. Dès que je me lève, je suis en colère. Je mets les claquettes et la polaire. C'est pour la rue et les dollars. Faut faire des dollars sans faire les commères. Wow. Tu connais l'OVNI. Wow. Tu connais d'or et de platine. Wow. Je dors pas comme un zombie. Wow. Je fais ça pour la team. Et tu crois qu'on dort, ça fait cracher le piano. Et dans la voiture, j'écoute du Raluciano. Je taffe trop, on me dit va bien au piano. Showcase tout sans fumer dans le Viano. Je me couche à 8h chaud, sous toi à midi. On m'appelle le cyborg ou on m'appelle IT. Vas-y, tout plus, tu crois ce qu'il dit. T'as vu le ciné, je la rends en cale 2. Sur le terrain en 4-4-2. Fais gaffe les donneurs, ouais ça rend en quart 2. Y'a tout ce qu'il faut en 4-2. T'as vu le ciné, je la rends en cale 2. Sur le terrain en 4-4-2. Fais gaffe les donneurs, ouais ça rend en quart 2. Y'a tout ce qu'il faut en 4-2.